Salut à tous et bienvenue sur le podcast Lou Nexus. Aujourd'hui un podcast un peu particulier parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et je suis bien entendu avec mon cher comparse de toujours. Salut, c'est moi. Et on est sur un sujet qui est vachement plus ton domaine que le mien. Bah oui, puisqu'on va parler de la Nintendo. Wouhou. Ah non, bah non, parce que c'était pas le même BIOS au départ. On a un peu vendu la mèche, je crois d'ailleurs. Oui, je pense qu'on a un petit peu vendu la mèche avec notre introduction qui a fait peur pour beaucoup de gens parce qu'ils savent que oui. C'est un des meilleurs BIOS qui existe, enfin une meilleure intro de BIOS qui existe, mais à côté de ça, c'était aussi le plus flippant. Un stress constant pour les joueurs. Et si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes les vrais. Vous êtes les vrais, voilà. Ceux qui ont retourné le podcast pour faire fonctionner le CD. Et qui l'ont mis à l'envers. On parlera bien entendu de la première PlayStation de chez Sony. Bien entendu, une console qui est devenue culte. Ah oui. Yenoul, tu en fais même une émission. T'as combien d'épisodes à ce moment où on tourne le podcast? Là, je pense on est à 608. Alors, bah, du coup, on va en parler. Qu'est-ce que tu fais dans cette émission PlayStation qui s'appelle PlayStation, évidemment. Et lorsqu'un. C'est toujours notre bonne vieille PlayStation. Lorsqu'un jeu a 20 ans, eh bien, on y joue aux 20 premières minutes. Ça se passe bien. Et ça se passe bien. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire quelques vidéos avec toi, ce qui m'a permis aussi, d'ailleurs, de jouer aux versions PlayStation de jeux que je jouais. Aux versions PC, mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans le futur. Ça marche. Bon, alors PlayStation, ton premier souvenir PlayStation. On va commencer par là, on va commencer par les premiers souvenirs. Peut-être moi, peut-être toi, je sais pas, tu veux commencer? Qui allez. Veut commencer? Oui. Toi, allez, vous dans le fond. Oui, alors, j'arrive. Ton premier souvenir avec la PlayStation. Premier souvenir avec la PlayStation, c'était avant de l'avoir, puisque la PlayStation est sortie au Japon en 1994, ou 94, ouais. Pour nos amis belges, et en Europe en septembre 95, ou 95 pour nos amis suisses. On n'oublie personne. Ah, remarque, je ne sais pas si un souci dit de 95. Ah, bref. Si, aussi. Ils sont très intelligents également. Pour ma part, je l'ai eu donc en Noël, 3 ans plus tard. Trois ans après, ouais. Et donc avant, pour me mettre un petit peu l'eau à la bouche, début de la 3D, que ce soit au cinéma, et que ce soit bien sûr dans les bornes d'arcade et dans les consoles de salon, on peut avoir des balbutiements de 3D avant, mais vraiment l'âge où ça a éclaté, c'est dans ces années-là. Et donc la PlayStation est arrivée, première console de Sony, et de voir de la 3D comme ça, avec des graphismes. Il me semble que, de tête, en 96, les premières images de PlayStation, c'était, en temps réel, hein, je dis, c'était Crash Bandicoot, le tout premier. Ah, Crash Bandicoot, qui a été un fer de lance de la console. Ah, complètement, hein, une mascotte, ça aurait pu devenir carrément la mascotte de Sony pour la PlayStation, à l'instar de Sonic pour Sega ou de Mario pour Nintendo. Et ce qui fait que de voir un truc cartoon comme ça, compréhensible, joli, avec une animation vraiment inspirée façon Tex Avery Looney Tunes, donc qui me parle également forcément, en 3D, qui peut se manipuler avec des touches simples, mais un jeu ultra dur, je me suis dit, ah ça existe, alors ça existe, d'accord. Et après, au fur et à mesure, on met des noms dessus, on se renseigne au fur et à mesure, et puis là, paf, la PlayStation arrive, l'un des plus beaux cadeaux de Noël qui soit, évidemment, 98, et cette console grise, avec ses touches qui n'avaient pas de forme comme précédemment émise sur d'autres consoles, bien que ce soit la même manette que la Super NES, mais ça on en reparlera après. c'est pas faux. De voir des formes géométriques, c'est vrai que c'était la première fois, et puis l'esthétique est quand même très très jolie, avec support CD et tout le bazar, et je crois même que dès le départ, j'ai eu la chance d'avoir les manettes avec les joysticks. Les DualShock, ça on va parler dans le futur, ouais, ouais. Par après dans le podcast, la manette de la PlayStation, qui a énormément changé, même la façon de voir une manette de console, hein, c'est quand même novateur, hein. Bon, moi je suis pas très PlayStation, j'en parlerai tout de suite après, oui, mais oui. Pour mes souvenirs, mais il faut quand même reconnaître que la manette PlayStation est assez iconique et a permis de faire quelques changements, même si c'est pas elle qui était la plus novatrice. Là encore aussi, on va en parler. Ouais, ouais. Et mes premiers souvenirs de PlayStation, vraiment manette en main, ça a été la première démo qu'il y avait donc à l'époque. Demo One, ouais. Donc la version 98, avec de tête des jeux pas très connus de la PlayStation comme Gran Turismo, Medieval, Tekken 3. Ah, c'était pas forcément le premier alors. C'était pas le tout premier. Demo One, c'était vraiment le premier. C'était un stampillé Demo One, évidemment. Ouais. Et c'était cette édition-là, et tout de suite, voilà, une très très bonne sélection de jeux. Et je crois qu'en vidéo, il y avait Metal Gear Solid, Spyro et Crash 3. Donc que des bombes de la Play, quoi. Vraiment. Ouais, là vraiment, la Rolls Royce. Tu peux pas rester indifférent. Donc voilà, ça c'est vraiment mes tout premiers souvenirs de la PlayStation. Et pour toi alors, mon cher compère? Pour moi, le premier souvenir d'un jeu PlayStation, et même de la console du coup, c'était d'aller dans une rue de Périgueux. D'accord. Qui est en France. Oui, en France, bien entendu. Sud-ouest de la France, ouais. Une rue que je ne vais pas citer, enfin, je pourrais la citer, tu vas me dire. Mais, une rue. Pour aller chercher un jeu. Ouais. Pour aller chercher un jeu qui s'appelle Oddworld. Ah tiens. Et pour te l'offrir. Parce qu'en fait, en vrai, moi, mon premier... comment dire, moi, j'ai eu un cheminement assez particulier au niveau des consoles de jeu, c'est que je n'ai jamais eu de console de salon avant la GameCube, parce que mon père voulait pas que j'en aie. Ouais. Et justement, ça aussi on pourra toujours en parler, mais je vais quand même en toucher deux mots, c'est que la PlayStation était considérée comme une console adolescente, ouais, voire adulte. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'était une console qui essayait d'accompagner ceux qui avaient une Mega Drive ou Super Nintendo pour pouvoir aller sur un truc un peu plus adulte. Et la proposition de jeu l'est, même si bon, Crash Bandicoot et tout ça était plus... Oui, enfant en plateforme, ouais. Mais mes parents ne voulaient absolument pas que j'aie une console violente, où il y a de la violence. Et bon, la PlayStation, c'était un petit peu son créneau d'avoir un truc un peu plus adulte. Donc du coup, moi, ça, c'était clairement une console que je ne pouvais pas avoir. Mmh. Et donc du coup... je n'ai pas eu ce contact-là, j'ai touché la manette du coup chez toi, hein, bien entendu. Ouais, ouais, ouais. Même si, je ne vais pas te mentir, je n'ai absolument aucun souvenir de cette période, on en a parlé avant, ouais, en pré-podcast, je n'ai absolument aucun souvenir de cette période, je n'ai absolument aucun souvenir de la PlayStation, je me souviens juste après commencer à tâtonner sur certains jeux en émulateur. Ouais. Mais vraiment sur le tard, hein, c'est-à-dire ça a vraiment mis, je pense, vraiment dans les années 2010, vraiment sur le tard par curiosité. Ouais. Et bon, je vais même le dire actuellement, je joue à des jeux PlayStation 1 pour refaire une ludothèque. Ici, je suis sur Police Note. Ah oui. Police Note que je suis en train de faire. Et sur Switch, ça peut paraître bête de faire le rapprochement, mais je fais Final Fantasy VII. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu aussi. Mais Final Fantasy VII, qui est l'épisode emblématique de Final Fantasy sur PlayStation. Gros tournant de la saga. Gros tournant de la saga, qui n'est plus sur Nintendo, mais qui passe chez Sony. Ouais. Et là, ici, je suis en train de le faire. Je suis vraiment en train de découvrir le jeu. Et je prends un petit plaisir à le faire, donc du coup c'est vraiment des trucs de la PlayStation que moi je connaissais pas. Et après il y a eu des trucs, comme je disais, c'est des jeux soit inspirés de manga que je voulais faire et que j'ai fait. Ouais. Donc on a fait ça ensemble en vidéo sur ta chaîne, qui était donc Samurai Deeper Kyo. Ouais. Ce jeu-là je l'ai fini. Donc c'est le premier jeu PlayStation que j'ai terminé, c'est Samurai Deeper Kyo, okay, qui est une exclue Play et au Japon. Et après il y a eu des jeux comme Gunm, qui sont des jeux de saga que j'adore, et il y a que celui-là qui est sorti en jeu vidéo sur PlayStation du coup. Ouais. Mais lui je l'ai pas fini, donc voilà, c'est vraiment mes trucs PlayStation, c'est un petit peu décousu, parce que moi je suis pas Sony. Ouais. Donc je suis plus Nintendo et Xbox que Sony, et donc du coup il y a tout un pan du jeu vidéo que j'ai malheureusement un petit peu mis de côté. Mais voilà. Que tu peux redécouvrir maintenant, parce que tu parlais de Police Notes, c'était très compliqué à l'époque de découvrir ce jeu si tu parlais pas japonais. Oui, c'est ça. Et là, il y a une traduction qui est sortie en anglais, je crois. C'est ça, je le fais en anglais, là. Je le fais en anglais. Voilà, il n'y a pas si longtemps, c'est quand même beaucoup plus accessible, surtout que c'est un jeu avec une narration très très prononcée, très cinématographique. Donc, Oui, c'est tout simplement le premier jeu Hideo Kojima que je fais le plus longtemps possible, on va dire. Donc, ça a du bon. C'est-à-dire que même les Metal Gear Solid et tout ça, j'ai pas fait, j'ai déjà testé. Hein, Ouais. Je vais les faire, je pense, à terme, même sur PlayStation 2 et tout ça. Mm-hmm. Je n'ai pas encore lancer les jeux pour l'instant. Ici, de Hideo Kojima, c'est le premier jeu que je lance et que j'accroche vraiment. Ouais. Je dois être à 4-5 heures de jeu, je pense, donc voilà. Et c'est un peu pareil pour le reste, c'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai derrière moi les jeux que j'ai en physique. Ouais. J'en ai. J'ai X-Files, okay. Donc un jeu que j'aime beaucoup de cœur, hein, qui est tout simplement un épisode interactif, hein, de la saga X-Files. Et qu'on a fait ensemble d'ailleurs. On a fait une partie ensemble en live, mm-hmm. en vidéo. Ouais. Oui, c'est des jeux qui me plaisent beaucoup, bien entendu, parce qu'il y avait vraiment une ludothèque dans la PlayStation qui est immense, qui défonçait ce qui était la Saturn à l'époque et même la Nintendo 64. Mm-hmm. Et donc du coup, ça, il faut lui reconnaître qu'elle avait une ludothèque... pas infini, mais c'était fou, quoi. Grosse ludothèque, ouais. Très, très grosse. Quand tu prends les trois zones... Très, très grosse ludothèque. Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parle de leur première console de Sony. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours le même nom, c'est toujours PlayStation qui fait vendre. Et c'est toujours le même nom de la console. Oui, c'est ça, c'est vraiment une déclinaison de la première PlayStation. D'ailleurs, dans la PlayStation 5, oui. Sur le jeu intégré de base, il y a le T-Rex du Demo One. Oui. En boss, donc oui, il y a quand même une continuité, c'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement des joueurs, de la marque Sony, etc. Donc c'est aussi un peu, enfin je dis pas que c'est un problème en soi, parce que moi par exemple chez Sony, j'ai adoré la PlayStation Portable, ce qui m'a fait découvrir aussi des jeux de la première PlayStation sur PSP, parce qu'il y a eu des adaptations, on pense parler de Medieval, comme moi j'ai lancé Medieval, c'était la version PSP, la PSP c'était une PlayStation 1 portable, c'est plus ou moins ça, hein. C'était plus ou moins ça. Hein. Et surtout que tu pouvais jouer à des jeux de Play 1 sur cette console-là. Donc En vrai, j'ai plus découvert la PlayStation 1 via la PSP qu'autre chose. Ouais. En prenant un petit peu le recul, c'est vraiment ça, quoi. Après, bon, encore une fois, moi, j'ai toujours vu ça de très très loin. Ouais. Mais encore une fois, sans jugement, c'était pas mon truc à moi, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. Je dis, voilà, bah, c'est pas mon truc. Ouais. Je pense qu'il faut une diversité d'offres de jeux et d'offres de consoles pour pouvoir justement convenir à tout le monde. Bien sûr. Pour ça, c'est vraiment le mieux, mais... Ça m'a quand même fait découvrir quelques trucs comme Final Fantasy VII, Police Note. C'est pas rien. Et j'en passe, hein, ce qu'on a fait ensemble, c'était, tout à fait. C'était assez drôle aussi. Et plus tard, Cowboy Bebop, évidemment. Bref, Cowboy alors... Bebop, oui, ça c'est vrai qu'il y a Cowboy Bebop. Quel est ton premier jeu ? À moi ? Ouais. Bon, alors là, ça c'est un truc, là, ça c'est compliqué. Parce que le premier jeu, je pense qu'à mon avis, je sais pas si tu l'avais fait. Quand je t'avais offert Oddworld pour ton anniversaire, je sais pas si on l'avait lancé. Oddworld ? J'ai de très vagues souvenirs. Ce serait Oddworld alors ? Ton premier jeu ? Je sais pas. J'avoue que je pense que ça serait ça. Ton premier jeu, ce serait celui que tu m'as offert. Mais en fait, tu sais qu'on aurait testé. Mais est-ce qu'on l'aurait testé ? Je sais pas ça. Franchement, j'ai un doute avec ça. Et j'ai un autre truc qui me fait penser que ça pourrait être chez... Je vais pas dire son nom, hein, parce que c'est une connaissance qu'on avait en commun. Et pas des mêmes moments, ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Ouais. Donc du coup, j'ai un petit souvenir d'avoir fait peut-être la PlayStation chez lui, mais j'ai, encore une fois, c'est pareil, moi j'avais qu'une console portable, oui, bien sûr. La console de salon, je n'avais pas, donc du coup, j'avoue que je sais pas. Le dernier où j'ai vraiment eu un souvenir d'avoir relancé, ça peut être rigolo, mais c'est les cochons de guerre. Ah oui. Parce que la version PC est complètement pas lançable, c'est devenu catastrophique à la lancer, je voulais y jouer, et du coup, j'ai lancé la version PlayStation des cochons de guerre, qui est d'une... Une drôlitude. Ah, ouais. C'est incroyable. C'est un petit bijou ce jeu. C'est un petit bijou. Oui. Et toi, quel est ton premier jeu souvenir qui t'a marqué Mon tout premier jeu qui a été offert, c'est donc en 1998, oblige, International Superstar Soccer Pro. Du foot Qui est un jeu de foot avec des commentaires très très drôles comme Ouh là là, il l'a senti passer ce tacle. Juste comme ça, très jouable, très sympa. Oui, de toute façon, il y avait énormément de jeux de sport en général sur la console de chez Sony, même plus que chez les concurrents, hein, parce que chez Nintendo 64, il y avait les ISS et il y avait les FIFA. Les FIFA 64 et FIFA 98. Bien sûr. Et sur PlayStation, il y a tellement eu de trucs. Et ça a donné après les fameux PES, cette lignée de International Superstar Soccer Pro Platinum. Oui, on note quand même. Puisque oui, c'est l'avantage, c'est que c'était pas la première année d'exploitation et de lancement de la PlayStation. Sony avait eu idée pour faire vendre un peu plus ses jeux quand le jeu, lors de son premier anniversaire, avait atteint un nombre de ventes assez conséquent. On pouvait retrouver cette version Platinum, on pouvait retrouver ce jeu bradé à moitié prix. Ah oui. Alors qu'il était neuf. Oui, oui. Et pour certaines versions, il valait mieux l'acheter en Platinum parce qu'il y avait soit des bonus ajoutés, soit un jeu patché, corriger certains bugs. Oui, c'était l'équivalent du choix des joueurs chez Nintendo. Exactement. Qui était de proposer un jeu qui avait eu du succès. Alors, je pense qu'il y avait, je sais pas si c'était comme ça chez Sony, mais je sais qu'il fallait atteindre un certain quota de vente. C'est ça. Pour le faire passer Platinum, etc. Exactement. Donc Platinum et pas Platinium. Parce que je dis toujours Platinium, mais en fait, c'est bien Platinum qu'il faut dire. Ouais. S'il n'y a pas de i. Je t'aurais pas repris là-dessus. J'avoue que. Ça, je savais. Je vois la jaquette parce que les boîtes sont. C'était des boîtes cristal. Oui, c'est comme ça. Comme on disait, c'est-à-dire qui étaient très fragiles. Oui, ouais, qui le sont toujours. Hein, parce que moi, ici, la plupart des boîtes PlayStation que j'ai là, elles sont toutes cassées. Hein. Ah, bon. Et pourtant, tu le sais, je suis quand même quelqu'un qui prend soin de ma collection, mais oui. J'en ai pas une qui a pas un problème. Oups. C'est des boîtes qui étaient très très fragiles. Oui, oui, bah toujours, hein, avec le CD, le gros livret. Bien sûr, évidemment. Mais ça c'était un truc, quand on achetait un jeu, on regardait d'abord le livret pour voir, Bon, ça, c'est peut-être comme ça dans les années 90-2000, on achetait toujours la... Moi, j'étais sur Game Boy, on achetait le livret, on regardait le livret. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et les classifications qui étaient un peu différentes, on reprendra quelques jeux oui. un peu après. Donc du coup, on va passer sur le hardware de la console, parce que... Ouh, on n'est pas des pros du hardware, on va juste parler non. véritablement ce que la console avait, ce qu'on pouvait faire avec la console, combien de manettes on pouvait brancher, les cartes mémoire... tout ça, quoi. Le lecteur CD, qu'est-ce qu'il pouvait nous donner, ce lecteur CD, bien entendu. C'est vrai que le premier truc qui a marqué pas mal de monde, c'est le fait que ce soit sur un support CD. CD-ROM, c'était pas la première console à le faire, mais... c'est vrai qu'elle a apporté pas mal de choses. Étant donné que c'est Sony qui a fait la PlayStation, ils avaient quand même du bagage par rapport au hardware musique, au hardware son. Bien sûr. Même si ça sortait sur une sortie Péritel, la classique, hein, jaune, blanc, rouge. Lorsqu'on balançait un jeu, et qui est donc sur CD, tu pouvais switcher juste avant que le chargement soit fini pour écouter les pistes audio, t'avais l'OST directement en mode lecteur CD, ça c'était pas mal. C'était une des forces de la PlayStation de pouvoir servir de platine. De lecteur CD, ouais, c'est ça. C'est ça. Une génifie. Ouais. Et tu pouvais mettre bien sûr tes CD dans la console et pouf, ça faisait génifie et tu pouvais choisir ce que tu voulais. D'ailleurs, cette particularité pouvait servir dans des jeux, comme des jeux musicaux, comme Vibribone. Où il paraît même que y a certaines versions de Doom qui le font, où tu joues, tu lances le jeu, ensuite tu ouvres le capot, tu enlèves le disque du jeu qui est enregistré dans la mémoire de la console, tu mets un CD audio, tu fermes le capot, ouais. Et tu joues avec la musique du CD audio. Ça remplace l'OST original du jeu par la musique que tu as mise dans ta console. Ouais, le jeu était chargé dans la mémoire RAM de la console peut-être, et puis après du coup ça permettait de lancer le truc. C'est assez fou. Combien de manettes tu pouvais brancher sur une PlayStation ? Alors initialement, et ça c'était pas une force, tu n'as que deux ports manettes. C'était ça, on pouvait mettre que deux ports, contrairement aux concurrents d'ailleurs. Bah ouais. Saturn, je sais plus. Nintendo 64, t'as quatre ports dans la Nintendo 64, et Saturn, je sais plus combien elle en a de ports. Plus tard, la Dreamcast aussi, donc bon, tu te dis, c'est dommage. Et juste au-dessus, tu avais deux ports carte mémoire, pour pouvoir sauvegarder ta partie, puisque pas encore de disque dur là-dessus. Et ce qui fait que pour pouvoir jouer à 4, tu avais un autre accessoire que tu branchais sur le port 1 ou sur le port 2 de la console, qui s'appelait un multitap. Le fameux multitap. Un genre de boomerang, où tu avais enfin 4 ports manettes. Ce qui fait que si tu en achètes 2, tu peux jouer à 8. Ah bah oui, forcément. Si tu mais, pousses un peu. Mais il faut avoir le jeu qui tourne à 8 aussi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques jeux de course, comme Crash Team Racing notamment, qui fonctionnent très bien à 8. Mais bon, soit tu branches 2 multitap, soit tu branches 2 consoles directement, parce que... Avec l'écran splitté, ça peut faire mal aux yeux, quoi. Ah, 8, oui, complètement. Surtout sur les cathodiques de l'époque, sur les CRT, ça devait pas être très évident, ouais. Donc, en fonction des régions, on parlait du fameux branchement Péritel vidéo avec notamment le jaune, blanc, rouge. On pouvait aussi se brancher avec un seul câble, le fameux câble S-Vidéo. Oui, le truc horrible. C'est pas ça qui se branchait à l'antenne qui, de la télé C'est surtout un câble noir. Qui avait cette tronche là, je l'envoie. On m'envoie ça en direct, on m'envoie ça. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, d'accord, ah, ouais. Okay, vidéo. Ah, ouais. C'est. Il y a une régie incroyable, mais qui pouvait fonctionner très bien pour repiquer les VHS dans les magnétoscopes, puisqu'on était vraiment sur des écrans cathodiques. Et à force, au fur et à mesure des jeux qui sortaient sur la longue vie de la PlayStation, puisque c'est sorti en 94, le dernier jeu est sorti en 2006, même si, évidemment, oui. On est sur la PS3 en 2006, c'est ça qui est fou. Oui, c'était vraiment la mort de... Mais c'est la fin, voilà. Etc. Mais vu que la PlayStation s'est vendue énormément, j'ai pas les chiffres de vente de la PlayStation, mais... Oh, c'est assez énorme. Mais entre, voilà, on va dire quand la PS2 est sortie, les premières années, voilà, 2002-2003, c'était la fin de la première PlayStation pour moi, et il y avait, à force, à partir de 2000, des jeux qui adaptaient un écran large. C'est-à-dire que les écrans cathodiques, c'était 4 tiers, quelle que soit la taille, et après, au fur et à mesure, les écrans sont passés en 16/9, petit à petit, et la PlayStation avait déjà anticipé ça, et ramené des jeux qui pouvaient être joués en 16/9. Ce qui fait que... C'est quand même pas mal pour essayer de cracher du polygone, parce que on parlait évidemment des promesses de la PlayStation, le début de la 3D en temps réel, etc. etc. Les pubs disaient d'ailleurs que c'était l'arcade à la maison. Ouais. Et au niveau du système, la 2D était gérée complètement sans aucun problème. Donc il y a énormément de jeux 2D qui tournent absolument comme un charme, comme on dit. Donc, notamment Castlevania, Symphony of the Night, qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux Castlevania et qui est sorti sur PlayStation, qui est complètement 2D. Dès le départ, il y avait Neketsu Oyako, un truc comme ça, qui était un genre de beat'em up pas très très connu, qui pèse pas lourd du tout, et qui est super bien, ultra fluide, et qui aurait pu voir le jour en arcade et qui n'est sorti que sur PlayStation, alors que ça pourrait vraiment bien le faire. Et voilà, ça c'est des jeux 2D qui fonctionnent absolument. Il y a eu plein d'adaptations arcade en 2D sur PlayStation, qui sont même parfois mieux sur PlayStation que sur borne d'arcade, c'est pour dire. Mais c'est pas avec ça qu'on connaît le mieux, parce que la Sega Saturn marche bien aussi au niveau des shoot'em up et tout 2D. Après, par exemple, tu disais pour la PlayStation au niveau des jeux 2D, mais il y a par exemple Castlevania Symphony of the Night que tu as cité. Ouais. Qui est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs jeux de Castlevania. Tout à fait. Et un des meilleurs jeux de la PlayStation. Donc même en 2D, oui. Même si la PlayStation n'était pas reconnue, enfin n'était pas... C'est pas pour ça qu'on l'achète, ouais. Mine de rien, il y a des jeux en 2D qui ont énormément marqué le public aussi, comme ce Castlevania, entre autres, quoi. Tout à fait. Et donc, bon, évidemment, c'est pour la 3D, le moteur 3D qui était connu. Donc quand on a vu Ridge Racer, qui était la copie conforme de la version arcade, sortir en premier jeu... chez nous, sur PlayStation à la maison, on s'est dit, bon ben ça y est, c'est fini, les bornes d'arcade, ça sert plus à rien, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'était peut-être parler un petit peu trop vite, mais bon, c'est vrai que ça a amené ça, et on a au fur et à mesure des progressions des jeux, et puis je pense des recherches et développements au fur et à mesure de la console. Il y a eu beaucoup de mises à jour de BIOS, différentes choses comme ça, différentes versions aussi de PlayStation qui se sont vendues, avec de plus en plus de capacités pour le faire, de moins en moins de bugs aussi. Et donc il y a eu, voilà, de la 3D en temps réel, cette base de polygones qui bloblote, comme je l'appelle, c'est-à-dire que... Oui, ça on pourra en parler dans les graphismes des jeux, ouais. Mais ça fait partie de l'ADN de la PlayStation, de ces graphismes un petit peu particuliers qui bloblotent, comme tu dis. C'est ça, très reconnaissable, et une résolution jusqu'à 480 pixels de haut pour 640 pixels de large, ce qui est quand même très très grand pour une première console qui ose balancer de la 3D comme ça en temps réel sur la majorité de ses hits, on va dire. Du 480i. Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc la PlayStation, c'est aussi une console qui, à la base, enfin sur les projets de base, qui devait être une sorte de lecteur CD de la Super Nintendo. Tout à fait. Et bon, après, bon, suite à des histoires de démêlés judiciaires, etc., ça s'est pas fait, et donc du coup la PlayStation s'est créée. Et la prototype Philips, là, entre Sony et Nintendo, est quand même très très révélatrice de ce que la PlayStation a comme forme et comme performance dans le bide. Oui. C'est une console qui avait pas mal de puissance en plus, ça c'est sûr. Je pense que c'était une des plus puissantes du marché, oui. Largement, je pense, par rapport à Nintendo 64, etc. Oui. On voit par exemple quand toi tu fais ta PlayStation, on a vu un gap, c'est-à-dire que tu as commencé avec Kingsfield, si je dis pas de dannerie. Tout à fait. Qui est un jeu qui est assez austère, mais vraiment austère. C'est clair. Et après, on va aller sur des jeux type, actuellement, moi je suis sur Final Fantasy, qui sont pas totalement en 3D, il y a des trucs pré-rendus, oui, il y a du mélange, il y a des décors en 2D, etc. Mais ça donne un effet véritablement saisissant, et des jeux comme Police Notes qui sont pas réellement de la 3D, hein. Là on est sur de la 2D, hein. c'est sûr. Je vais pas dire que c'est du FMV, mais presque en fait, hein. Ouais, il y en a, hein. Ouais, c'est de l'animé, hein. C'est un animé interactif. Ça montre que la PlayStation pouvait attaquer sur plein de trucs différents avec le lecteur CD. Ouais. Ça pouvait lancer de la FMV. C'est ça. J'ai pas de... Ah bah si, mais totalement X-Files. Par exemple. Je dis de la FMV. X-Files, c'est complètement de la FMV. Ça... Wing Commander, t'en as plein. Wing Commander, bien entendu, c'est de la FMV qui fonctionne en plus, qui fonctionne très bien. C'est ça. Et puis de la 3D. Bon, ben la 3D, moi personnellement, je suis pas très fan. J'ai toujours préféré la 3D que sortait la Nintendo 64. C'est le début, là. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est le début, mais bon, là, je trouvais que la Nintendo 64 faisait la 3D plus propre. Mais. Disons que la direction artistique de la Nintendo 64. Par rapport à sa 3D, on va dire que ses textures floues et ses polygones qui restent en place vieillissent beaucoup mieux oui. que les textures pixelisées et les polygones qui sont stroboscopique, quoi, qui n'arrête pas de bouger sur la Play. C'est vrai ce que tu dis là, parce qu'en plus, moi, ce que je me rends compte, maintenant qu'on en parle, c'est que les jeux qui me tentent sur PlayStation, c'est des jeux qui ne sont pas en 3D réellement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, bon, Final Fantasy, la 3D, elle va pas blobloter parce que c'est des personnages qui vont se balader, donc on n'a pas ce côté-là. C'est de la FMV, c'est du jeu en 2D, comme j'ai fait avec Samurai Deeper Kyo. Le rare jeu que j'ai joué, c'était Gun, sorti qu'au Japon, et qui blobloter. Mais sinon, en vrai, je joue pas aux jeux 3D réellement. Après, remettons un petit peu de prestige aux éléments 3D qui étaient présents que sur PlayStation, les effets de brume, différents plans, certains effets vidéo qui étaient disponibles en temps réel, des effets de transparence aussi, certains jeux de lumière qui étaient dynamiques, et des premiers jeux en cel shading qui étaient disponibles sur PlayStation ont quand même rehaussé un petit peu tout ça pour après la génération d'après, que ce soit tout joli, tout beau, tout propre, quoi. Mais d'ailleurs, tu parlais des FMV, en poussant un petit peu, la PlayStation aurait pu lire des films. Oui, oui, bien sûr. Ce que la 2 fera après avec les DVD nativement, quoi. Oui, bien sûr. Bah, à la fin, du coup, son support, c'est un CD-ROM. Hein, donc, il y avait possibilité de lancer... C'est un CD-ROM, tout à fait. Lancer de la vidéo là-dessus. Elle le fait plus ou moins, d'ailleurs. Hein, pour moi, la FMV, c'est de la vidéo, donc... Des CD-ROM officiels ou pas? Oui. Parce que... On a vu aussi le jour avec le piratage assez facile, oui, à portée de main. Coup, la PlayStation était très très sujet à la contrefaçon. Ouais, tout à fait. Et au piratage, ça, c'est très connu. Bien très sûr. Connu. Et je vais pas dire qu'ils poussaient là-dedans, mais il y a eu des kits de développement qui pouvaient être disponibles dans le grand public. Je crois que ça s'appelle NetYarose. Qui permettait de développer ses jeux, ses propres jeux, sur PlayStation. Oui, il y avait eu ça, c'est vrai. C'était avec une console qui était gris foncé. Ouais, on peut dire noir. Ouais. C'était noir, je sais plus si c'était gris foncé ou noir, mais ouais, j'avais entendu parler de ça. Ça, c'est quand même un game changer. On a parlé de la console, on va parler de la manette. Ouais, la manette très douce. Donc la manette, on va en parler... Je vais pas le dire rapidement parce que il y a eu deux sortes de manettes réellement sur PlayStation. C'est ça. Plus les accessoires qu'on parlera tout juste après pour dire. Donc la première manette qui existe, tu l'as pas eu. C'est vrai. Les fameux DualShock, il y avait pas ça, c'était. C'est ça. Il y avait les flèches directionnelles sur la gauche. Hein, vraiment la manette Super NES, c'est clair. Les flèches directionnelles à gauche, Select et Start au centre, histoire de sélectionner dans les menus et de commencer la partie. L et R qui ici ont été doublés, c'est pour ça qu'il y a L1 et L2 qui est pour le doigt d'après et R1 et R2. D'ailleurs sur les premières notices de jeu, c'est encore estampillé L et R, il n'y avait pas cette notion de L1 et R1. Et pour A, B, X, Y, nous avons le triangle en haut qui est vert, qui veut dire sommet, point de vue, donc soit une caméra, soit... un genre de point de vue différent, etc. À gauche, le carré rose, qui a une forme de feuille de papier toilette. Non, mais c'est pour afficher une carte ou les objets. Ensuite, sur la droite, nous avons un cercle rouge qui, au Japon, sert à valider, alors que dans les autres pays du monde, c'est l'inverse. Voilà. Et la croix bleue en bas, qui permet de réfuter. Et dans tous les autres pays du monde, c'était fait pour valider, et donc l'action principale, généralement. Voilà la manette de la console PlayStation, qui est grise, avec les touches anthracite, on va dire, et ces petites couleurs-là pour différencier. Et donc après, il y a eu un troisième bouton, en plus de Select et Start, qui est apparu, qui est analogue, et qui donc activait les vibrations et les joysticks qui ont été rajoutés en dessous. Ils l'ont un peu rajouté comme ils ont pu, mais au final ça a bien plu à tout le monde, puisque jusqu'à la PS4, la manette n'a pas bougé de cette configuration depuis 98, ce qui est assez fou. C'est vrai. Moi j'ai jamais trop apprécié la manette dans son truc, mais encore une fois, quand j'ai commencé à jouer vraiment à la console de salon, je suis arrivé sur la manette GameCube, qui est pour moi une des meilleures manettes qui ait jamais été faite, etc. Donc, du très ergonomique. Coup, très compliqué de revenir sur une manette PlayStation, assez compliqué avec les joysticks. J'ai jamais trouvé réellement... facile d'accès avec les pouces, donc bon. Oui, ça fait mal aux doigts. Hein. Et puis en plus, c'est vraiment des trucs qui ont été rajoutés parce que quoi, la Nintendo 64 avait son stick analogique. Exactement, c'est la Nintendo 64 qui a lancé le joystick de cette manière, comme on le connaît sur toutes les manettes à présent. Et après, Sony a dit « Oh, peut-être bien rajouter des joysticks ». Donc le joystick gauche, pour déplacer le personnage généralement, et le joystick droit pour déplacer la caméra. C'est surtout ça à quoi ça servait. Et quand on écrase les deux joysticks, ça sert encore d'autres boutons qui ont été appelés officiellement ensuite L3 pour le joystick gauche et R3. Oui, c'est devenu une norme même maintenant pour la Xbox, etc. Okay. Là, ici, ils ont des noms différents sur l'Xbox, mais et pour cliquer sur les sticks et tout ça. Donc oui, il y a eu. Ouais. C'est vraiment. Enfin, ça, en revanche, ils ont créé une norme là-dessus. Ça, c'est sûr. Manette iconique qui a eu beaucoup de prototypes avant, comme le logo finalement. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est celle-là qu'on retient. Totalement. Donc il y a eu les manettes, mais il y a eu aussi des accessoires, bien entendu. Alors là, en revanche, ici, je fais le présentateur parce que ici, je ne connais rien. Là, ici, c'est toi qui a vraiment vécu tout ça. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion-là. Je connais certains trucs. Je sais bien que la PlayStation a eu un écran qu'on pouvait brancher dessus sur la PS1, si je ne dis pas de bêtises, donc la plus petite. D'ailleurs, cette version PS1 qui est la plus réduite, moins chère, plus légère, un peu plus fragile aussi, mais qui vaut vraiment le coup. Il y a eu, oui, l'écran portable qui était au niveau du capot, là où on mettait le CD à l'intérieur, finalement. Donc, c'est une première PlayStation portable qui n'a rien à voir avec la PlayStation portable. Oui. On parlait des cartes mémoire, bien sûr. On parlait du multitap. Les cartes mémoire, bien entendu. Tout à l'heure, qui permettait de jouer à plusieurs. Il y avait la manette de chez Namco, le Icon, qui permettait de pivoter sa manette comme si on concassait du poivre dans un moulin pour tourner le volant. On peut dire ça comme ça. Il y avait aussi bien sûr le volant pour jouer à toutes sortes de jeux de course avec le pédalier et tout ça. Je crois même qu'il y a eu sur le jeu Dance Dance Revolution, il y a eu le tapis, oui, où on pouvait jouer avec les pieds, bien sûr, directement, c'est... avec la flèche haut, bas, gauche, droite. Mais c'est un tapis mou que tu plies difficilement. Enfin, c'est... Ouais, j'en ai un derrière pour la GameCube. Je le sors pas de la boîte parce que... Les sensations sont pas les plus folles. C'est là, encore une fois, c'est une volonté de mettre l'arcade à la maison. C'est ça. En parlant d'arcade, il y avait bien sûr le flingue. Oui, les flingues. Le G-Con. C'est assez compliqué. C'est toute une histoire, hein, le flingue. Le flingue Duck Hunt était... Oui, c'est ça. Le zapper est, je trouve, plus précis. C'est pour dire. Mais pour Time Crisis, pour Point Blank, des jeux comme ça où vraiment c'est du shoot, c'était quand même le meilleur accessoire pour ça. Dont notamment un Resident Evil Survivor. Oui, il y a eu ça, c'est vrai. Et qui est un jeu assez particulier. Infâme, il paraît. Court. Allez, on va dire ça, court. Mais ça change de l'ambiance angoissante des Resident Evil. Il y avait aussi la souris, la PS Mouse, qui était utile. Alors c'est très bizarre de jouer à la main droite à la souris et de tenir les déplacements avec la manette dans la main gauche. Tu vois, c'est pas clavier souris. Ah oui, c'est pas... C'est un peu particulier, en effet. Pour Quake, pour Doom, pour... Je pense aussi que c'était pour les jeux type FPS et les point and click. Je pense qu'on avait fait Versailles. Ah oui, tout à fait. Qui à mon avis fonctionnait... Oui, je l'ai en tête, hein, le fameux passage. Ouais. tu as le droit de l'intégrer dans la... Dans... Coupure. Allez, coupure. C'est parti avec de la reverb. Bah. Oh, pardon. J'ai pas fait exprès. C'est tellement naturel. Voilà, ça résonne dans les oreilles. Donc on reprend. Donc là, voilà, la souris pour notamment les différents jeux point and click, comme tu le disais, jeux stratégie. Oui, mais en plus les jeux stratégie, par exemple les jeux type Command & Conquer, etc. avaient leur cinématique, etc. Donc Command & Conquer est aussi sorti sur Nintendo 64, mais n'avait pas ce loisir. Donc après voilà, il y a plein d'autres que je n'ai jamais testé, comme la Pocket Station qui faisait un peu un écran cristaux liquides avec quelques boutons et qui permettait de jouer à différents jeux ou permettre une complémentarité de jeux sur notamment pas mal de jeux japonais. Oui. Donc ça, c'est encore autre chose. C'était peut-être lié à la, comment dire, à ce qui se passait avec la Dreamcast à cette époque-là, genre. Aussi, je le trouve que ça fait un peu un genre de Tamagotchi aussi sur certains jeux. Oui, bah oui, il y a un peu peut-être, ouais. Qui permet, enfin, voyez, il y a pas mal de choses. Et dans les trucs un peu chelous, de ce que je me rappelle, il y avait des cartes mémoire personnalisées, dont notamment pour le fameux jeu Tomb Raider avec Lara Croft. Tu avais un buste de Lara Croft sur la carte mémoire, c'est-à-dire que tu enfonçais Lara Croft dans ta play. Et bah, avec le poids, ça s'affaissait au fur et à mesure, donc c'était pas la meilleure des solutions. Mais... Revenons au podcast. Voilà. Mais comme objet de collection, c'était quand même pas mal. Et après, comme gros accessoire en simulation, tu avais aussi les postes de pilotage. Bien entendu. On va dire pour les jeux d'aviation, les jeux de méca, puisqu'il y en a eu beaucoup aussi. Dan Shadego. Oui, oui, il y a carrément, ouais. Oui, pour les simulateurs de train. Parce qu'il y en a eu pas mal. En plus, il y en a eu pas mal, c'est vrai. Poste de pilotage. Et bien sûr, voilà, le stick arcade, créé par Namco, puisque Namco a été vraiment à pousser dès le départ la PlayStation pour dire oui, allez-y, on va adapter tous nos jeux d'arcade là-dessus, vous inquiétez pas. Eux et la petite boîte de Psygnosis qui ont vraiment contribué à avoir les premiers jeux connus de la Play et de commencer à façonner son identité. Donc Namco a aussi balancé des sticks arcade en veux-tu en voilà. Voilà, sur les accessoires de mémoire. Ce qui est bien, j'ai pas de truc à rajouter, je pense qu'on est bon pour tout ce qui est hardware PlayStation. Let's go! Et du coup, on va faire une transition vers les jeux PlayStation qui va prendre une des plus grosses parties du podcast. Et pour faire cette transition, on va écouter une OST, une musique assez connue des fans de la PlayStation, vu que ça sera un thème de Final Fantasy VII, Prélude, composé par Nobuo Uematsu. Un thème vachement culte de la PlayStation et sur un jeu vachement culte de la PlayStation. Attaquer les jeux PlayStation. Alors les jeux PlayStation, il y en a une palanquée, une montagne du bon au moins bon, du plus what the fuck au plus simulateur. C'est vrai. Je vais commencer à présenter un petit jeu que j'aime beaucoup. Donc du coup, c'est Police Note. Du coup, j'arrêtais pas d'en parler. Donc c'est le premier jeu Hideo Kojima sur PlayStation, si je dis pas d'annerie. Ouais. Je crois. C'est ça. Et ça raconte l'histoire d'une police de l'espace, on va dire ça pour assez simple, et c'est une sorte de visual novel slash un peu action, très très sympathique, très joli, des musiques assez cultes. repris après, pas d'ailleurs par Konami, hein, bien entendu. Tout à fait, c'est le début du jeu, c'est devenu le début du jingle de Konami. Et beaucoup ne le savent pas, ça. Ouais. Donc, moi, je le savais parce que je crois que tu en avais parlé dans ton vieil station. Ah là là. Je sais plus. Bref, mais c'est un jeu qui me marque beaucoup actuellement, que j'aime énormément faire, qui a une ambiance type vraiment science-fiction des années 90. On a parlé Cowboy Bebop un petit peu avant, mais c'est vraiment dans cette science-fiction-là que je vais la mettre, c'est-à-dire vraiment... Ouais. Animé des années 90 de science-fiction sérieux, on va dire ça comme ça, que je trouve est adulte. Et donc du coup, c'est vraiment un univers que j'ai vraiment adoré et je trouve que la PlayStation était très forte dans ce genre de choses aussi, c'est-à-dire proposer des univers du coup plus adultes. Exactement. Et là, on va pouvoir attaquer plein de jeux, mais on va pouvoir aussi attaquer le fait que c'était pas que des jeux adultes, mais c'était aussi des univers très adultes, c'est-à-dire que par exemple, je rattaquais sur X-Files, un jeu que j'ai fini sur PlayStation aussi. C'est adulte, X-Files, un enfant regardait pas les... Enfin, je pense pas que les enfants regardaient les épisodes d'X-Files à la télévision quand ça passait sur M6. Ah oui, ça fait peur. Mais oui, c'est quand même une ambiance assez oppressante, avec du surnaturel, avec etc, etc. Donc du coup, je suis pas sûr que le jeu X-Files, même si je trouve que c'était un peu plus atténué sur le jeu, ils allaient faire... Enfin, c'était vraiment pour les enfants, c'était vraiment une proposition de jeu plus adulte sur console. Et personnellement, c'est des jeux qui me... Enfin, X-Files me marque. Bon, je l'avais fait sur PC, donc du coup, X-Files me marque beaucoup parce que c'est un peu... Je suis un grand fan de la série. Bien sûr. Mais Police Note est tout doucement en train de faire sa place dans les jeux qui me marquent. Après, bon, je pourrais en parler sur des jeux plus tard, mais je vais te laisser la suite de toi, ce qui t'a le plus marqué sur les jeux PlayStation. J'ai quelques idées. tu parlais de Kojima, bon, forcément, Metal Gear Solid. Qui moi, m'embête vraiment lorsqu'on me pose la question comment on joue à Metal Gear Solid dans les meilleures conditions. Je suis très embêté de répondre par « joue-y sur PlayStation 1 ». Parce que il y a beaucoup de choses sur la console en elle-même qui sont soit difficiles à émuler, soit difficiles à ne pas se rendre compte sur un autre support. C'est-à-dire qu'il y a le doublage en français, le côté un peu... je vais pas très dire nanardesque, mais vraiment très poussé dans les références cinématographiques. Les effets de graphisme ont été pensés pour la PlayStation. Il y a, je crois, un effet de dithering, je saurais pas exactement comment dire ça, mais avec le branchement et l'écran cathodique, ça amène des effets supplémentaires sur l'image. Il y a le fait de devoir mettre sa manette sur le port 2 et non pas sur le port 1 pour pouvoir jouer mieux. Lors d'un boss, il y a des solutions écrites sur la jaquette, il y a le quatrième mur qui est brisé, il y a énormément de choses qui sont en rapport avec l'environnement et qui a été fait pour la PlayStation, que c'est très très compliqué de reproduire la même expérience en dehors de ça, d'avoir le jeu sur la console d'origine. Le jeu a été adapté sur GameCube et il y a des trucs qui ont été, comment dire, ça a été accueilli plus froidement par les fans. Il y a le doublage en moins, les graphismes sont beaucoup plus jolis puisque c'est le moteur graphique du 2. Bien sûr, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a le doublage en moins, il y a des choses qui ont dû être coupées par rapport au jeu d'origine parce que justement il faut. Il faut s'adapter par rapport à ce qui a été fait pour la PlayStation. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Metal Gear Solid, c'est quand même véritablement le genre de jeu qui faisait entrer la console dans un univers un peu plus adulte aussi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une histoire d'armes, etc., à détruire et tout. Beaucoup de dialogues d'ailleurs. C'est encore un jeu Kojima, bien entendu. Hein, c'est bien sûr. Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis plus ou moins 40 ans. Alors qu'il y a eu deux jeux Metal Gear sortis avant. Sur NES. Et ça, on considère que Metal Gear Solid, c'est le premier, tu vois. Metal Gear était vraiment... Ça offrait déjà une expérience un peu particulière. La version NES. Ouais. Qui était nulle. Il faut le dire, donc du coup, oui, Metal Gear Solid était vraiment la première, enfin pour beaucoup et énormément de gens, ça va être la porte d'entrée à l'univers Metal Gear. C'est ça, relancer le genre de l'infiltration qui se mettra à chaque fois en comparaison avec les Splinter Cell plus tard et qui avait relancé à peu près tout ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mm-hmm. Il faut aussi dire un truc, tant qu'on est dans les univers un peu plus adultes, la saga Resident Evil a été lancé sur PlayStation, enfin pas que, on oublie un petit peu que la Nintendo 64 a eu le deuxième opus sur son... Très très bon. Et sorti aussi sur Saturn, le premier. Qui était sorti sous le nom de Biohazard. Au Japon, bien entendu. Bien sûr, mais comment mentionner le genre d'horreur sur PlayStation et ne pas citer Resident Evil ou Silent Hill, c'est quand même des gros monuments, quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment des jeux cultissimes. Qui ont occulté complètement Alone in the Dark. Donc, oui, c'est vraiment des trucs... des incontournables. La première rencontre avec le zombie qui tourne la tête est devenue une scène ultra mythique, ultra... copiée... oui, bien sûr. Parodiée, etc. Ça a été... référencé partout. C'est véritablement très, très connu de voir ça. Resident Evil, donc, est véritablement un jeu qui a lancé la mode du survival horror, même si on a quelques petits balbutiements au début, mais c'est véritablement lui qui enfonce le clou et qui lance la saga de Resident Evil. Tout à fait. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, jusqu'à encore maintenant. Hein, parce toujours, la saga continue, c'est fou. Et qui évolue aussi, hein, c'est une saga qui évolue. On peut se dire d'un point de vue graphisme, on y revient, tous les éléments qui sont animés ou manipulables sont en 3D sur un décor pré-rendu en deux dimensions. C'est pour ça que les angles de caméra sont fixes. C'est aussi pour des limitations techniques et pour augmenter un petit peu le rendu, la résolution et le côté claustro. Alors que Silent Hill va mélanger les deux avec une caméra qui te suit sur pas mal d'endroits en 3D assez ouverts. Et quand même pour contrer ça, tu as une visibilité très réduite, que ce soit de jour parce que il neige, et de l'autre côté, quand il fait nuit, bah, il fait nuit, donc on voit rien. Ça permettait de pallier les limitations techniques de la console. Tout à fait. En faisant ces techniques-là, c'est d'ailleurs ce que fait Final Fantasy VII. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnages en 3D avec des environnements 2D. Ouais. Et on est sur un côté un peu plus mature aussi sur ce Final Fantasy VII, puisqu'au niveau du scénario, il est quand même un peu plus osé, il faut le dire, au niveau des revendications. Ouais, c'est, vu que je suis en plein dedans en plus. Ouais. Là, en plus, je peux en parler un peu plus. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je suis pas très loin, je suis à 5-6 heures de jeu pour l'instant, donc ce qui en fait le Final Fantasy où j'ai passé plus de temps dessus. Donc ne spoilez pas en commentaire, s'il vous plaît. Ouais, en vrai, je me suis déjà spoilé pas mal de choses. Hein, aïe, caramba. Mais je le fais plus pour ma culture jeu vidéo ludique plus que pour autre chose. Ouais. Donc du coup, oui, Final Fantasy VII, je trouve assez étonnant parce qu'il y a vraiment, bon, il y a des trucs qui sont rigides, encore bien rigides au niveau des personnages de Cloud, donc on va se mouvoir avec lui. Et oui. Malgré tout, il y a quand même un scénario qui est quand même assez solide avec une ville tentaculaire qui pompe les ressources de la planète. Bon, je vais pas extrapoler sur le jeu est très beau. Là aussi, on a encore des décors en pré-rendu en 2D qui sont très jolis. Je suis encore étonné parce que la version Switch, mis à part un upscale de la... Oui, un agrandissement de la résolution. Ouais. Le reste, c'est le même jeu. Hein. C'est le même jeu avec les contrôles de Nintendo. Mais sinon, c'est vraiment le même jeu que sorti sur PlayStation. Et on est vraiment sur... Moi, je trouve, pour l'instant, un jeu de qualité. Alors, l'OST, bien entendu, formidable. Ça, bien sûr. Ça, comme on l'a entendu précédemment, c'est une OST assez cultissime. En plus. De la PlayStation, en plus, et de la saga Final Fantasy. Beaucoup considèrent que c'est le meilleur. Bon, ça, c'est pas mon truc. Enfin, il y a Final Fantasy VIII aussi à faire, il paraît que c'est... Tout à fait. Et 9, c'est ça, il y a eu le 9 aussi sur PlayStation 1. Et Chocobo Racing, attends. Et Chocobo Racing, en effet, qui fait partie... Ça fait partie de l'univers c'est ça, Final Fantasy. Ouais. Je le considère comme étant dans l'univers. Il y a eu énormément de JRPG. On peut vite partir dans tous les sens hein, sur les jeux, etc. On va pas pouvoir parler en détail de tout, juste de certains, parce que c'est véritablement... Il y a à peu près 3000 jeux, quoi, donc... C'est pas possible, voilà. on va pouvoir... Ouais, c'est ça. Si tu comptes tout... La ludothèque PlayStation est infinie. Très très grande. Mais bon, il n'empêche qu'au niveau JRPG, c'était une console phare, parce que c'est vrai que la Nintendo 64 ne fournissait rien, la Saturn était un four total. Par rapport à ça, ouais. Et donc du coup, il n'y avait plus que la PlayStation pour se mettre des JRPG sous la dent. Ouais. Et alors, outre Final Fantasy, j'ai pas d'autres idées d'RPG, je pense que toi t'en as fait pas mal sur vieille Station. Il y a les Wild Arms qui sont sortis très très tôt. Les Wild Arms, ok. Avec une OST style Ennio Morricone, qui est très très agréable aussi. un truc un peu plus de polygone, il y avait Legend of Dragon, je me rappelle, qui était sur 4 CD, c'était très très lourd. Il y a Ark the Lad qui a un coffret collector avec 6 CD, il n'y a pas eu plus. Ouf. Dans toute l'histoire de la PlayStation, donc je laisse imaginer la gueule du du coffret. Il y avait les Suikoden. Il y a eu du Dragon Quest. Il y a eu Chrono Trigger aussi. Bien sûr, Chrono Cross et Chrono Trigger. Je regarde, hein, parce que je ne voudrais pas éviter de faire des âneries. Il y en a tellement. Chrono Cross, Grandia, Parasite Eve, les Final Fantasy Tactics. Parasite Eve, ouais, une grande intelligence, Parasite Eve et le 2 sur les graphismes. Parce que les décors étaient pré-rendus. mais simulait des mouvements de caméra pour faire croire que tout était en 3D temps réel avec des graphismes qui matchaient la génération d'après. C'est très très intelligent. Mais là on a ouais, il y a vraiment, je suis en train de regarder en vitesse là, une liste de JRPG, il y en a énormément. On peut pas tous citer bien entendu parce qu'il y a les ateliers, les Tales of bien entendu, les premiers personnages aussi. Il y avait vraiment les Shin Megami Tensei bien entendu. Il y avait vraiment une offre très très forte de la part de la PlayStation dans tout ce qui était JRPG. Ouais. On peut aussi commencer à citer qu'il y avait aussi des Doom-like. Oui, comme Doom. Comme Doom. Il y avait des Doom-like. Ça... Ouais, avec les aliens, les premiers Medal of Honor sont sortis sur PlayStation. Donc je quand même, cas où qu'il y ait des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un Doom-like, c'est un FPS tout simplement. C'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque. First Person Shooter. On l'appelait tous comme ça, on appelait ça un Doom-like. Tout ce qui était FPS, on a, même quand des fois c'était assez loin de l'offre de Doom-like, parce que on va pouvoir parler de Medal of Honor sur PlayStation. Ouais. Par exemple, Medal of Honor était considéré comme un Doom-like, alors que c'était pas réellement un Doom-like, c'était beaucoup plus posé comme FPS. C'est... Ouais, on est sur une ambiance plus... Oui, c'était... plus réaliste que juste aller dans une terre pleine de lave avec des aliens qui nous crachent des boules de feu. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vraiment Medal of Honor, c'était un FPS qui, pour la première fois réellement, donnait un cadre historique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Pour faire opérer son jeu de FPS un peu plus posé, c'est beaucoup moins du fast FPS comme on connaît avec Doom, Duck Nukem, etc. ou Wolfenstein. Ouais. Mais c'était vraiment un truc qui a marqué les gens, c'est-à-dire que sans ce jeu-là, aujourd'hui vous n'avez pas Call of, hein. Vous n'avez pas Battlefield. Non plus, bien sûr. Je vais te dire une anecdote très précise et personnelle. Le premier niveau de Medal of Honor, on est très intelligent de nuit, évidemment. Comme ça, ça évite certains problèmes. Toujours les mêmes. La musique qui est orchestrale, c'est l'un des premiers jeux où il y a un orchestre symphonique qui fait la musique d'un jeu vidéo. Je dis l'un des premiers parce que dans l'ordre, je crois que c'est le Jurassic Park, le monde perdu, qui a un orchestre symphonique dans un jeu, qui est aussi sorti sur PlayStation. Et dans l'idée, c'était Heart of Darkness, qui est aussi un jeu PlayStation, qui devait sortir plus tôt, mais le temps de développement était très très long. Là aussi, avec des thèmes matures, même si on commande un enfant. Donc là, musique symphonique dans les oreilles, et devant nous, on est en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. On est tout seul, on n'est pas en grosse armée comme ce qu'on pourrait entendre. Et ce que je me rappelle du gros détail, c'est le pouce du personnage sur le fusil, et je trouvais que cette modélisation-là avec les textures était vraiment saisissante de... pas de réalisme, mais de crédibilité. Dans le FPS, bien entendu. Ça faisait que le personnage était vraiment derrière l'arme. C'est ça, et en 3D, quoi. Ce qui, en vrai, n'est pas vrai. Hein. Oui, évidemment, puisqu'on voit pas ses pieds. Ça paraît bête, mais bon, les gens... Enfin, en fait, c'est juste la caméra, et on met... C'est ça. On met juste un truc devant votre caméra, voilà. Incroyable. On va passer aussi sur les jeux plateformes, parce qu'il y a eu beaucoup de plateformes 3D. Wow. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit, le fameux Crash Bandicoot. Exactement. Je n'ai jamais lancé un Crash Bandicoot de ma vie. Je n'ai jamais lancé. Et pourtant, j'en ai deux derrière sur GameCube. Hein. Comme quoi? Je les ai jamais lancés. J'ai lancé Crash Racing, donc un jeu de cartes. Ouais. Mais je n'ai jamais lancé un platformer de Crash Bandicoot de ma vie. Voilà, je le dis. Il y a eu 5 Crash Bandicoot sur la première PlayStation. Réalisé par Naughty Dog, hein, bien sûr, qui réaliseront après Jack and Daxter, qui réaliseront après Uncharted, The Last of Us, tout ça. Très ancré PlayStation comme studio. Hein. Grosse boîte. Crash Bandicoot, le premier, qui est le plus difficile hein, des Crash Bandicoot. Il y a des fois, il faut sauter dans le vide pour trouver des plateformes sans aucun indice. Ah, les fameux sauts de l'ange C'est ça, ça c'est très très compliqué. Et d'un point de vue technique, Super Mario 64 par exemple, les animations sont faites, tu modélises le personnage et tu lui mets des os à l'intérieur pour pouvoir bouger. Ouais. Et c'est en fonction de ces os-là qui servent de marionnettes, la modélisation autour suit. Pour Crash Bandicoot, les animations n'ont pas été faites comme ça, elles ont été faites par déplacement des points, des polygones. Donc, c'est-à-dire que pour faire un cycle de marche très simple à faire avec un squelette comme pour Super Mario 64, là ils ont dû animer tous les points un par un pour faire une marche. C'est pour ça qu'il a une démarche très particulière, Crash Bandicoot. On dirait qu'il a un bâton entre les fesses, et tu te dis, mais alors pourquoi ils se sont embêtés à faire ça alors qu'ils auraient pu mettre comme pour Super Mario 64, mettre des os et animer tout ça. Eh bien, ils voulaient qu'il y ait une déformation des corps, des expressions du visage, etc., etc. Et ça, on pouvait le faire que en déplaçant des points à l'époque, puisqu'il fallait choisir soit une méthode d'animation, soit l'autre. Sinon, ça ne rentrait pas dans la galette. Et d'ailleurs, pour les points de vue techniques, ils ont poussé jusqu'au bout les décors avec un angle de vue très très très proche, finalement. On voit pas beaucoup le fond du niveau. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des caisses absolument partout dans les niveaux. C'est justement, ben la caisse, c'est quoi? C'est juste 6 polygones. Ah ouais, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, ça prend pas énormément de ressources. Donc voilà, ça a été la genèse de Crash Bandicoot. Ça a ultra bien marché. Au Japon, il a fallu lui changer de gueule parce qu'il faisait peur. Ah oui, à ce point. Ah ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, à l'heure actuelle, toujours en 2023, sur les jaquettes des derniers Crash Bandicoot, il a encore cette vieille gueule modifiée pour le Japon. C'est très très drôle, avec des yeux, enfin des pupilles beaucoup trop dilatées, on dirait qu'il a pris autre chose que ses fruits ou pas. Mais il a pris de la drogue. Exactement, il a fait comme Pac-Man, il a pris des petites pilules qui clignotent. Crash 2, vraiment le meilleur, le plus équilibré. Ils ont appris de leurs erreurs et il est encore plus fluide, il est encore mieux. Crash 3, ils sont partis en cacahuète, comme pour GTA San Andreas, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. Crash Bash, qui est un party game, et Crash Team Racing, qui est un des meilleurs jeux de course karting, Mario Kart-like qui soit sur PlayStation. Donc vraiment, Crash Bandicoot a marqué la play, comme Lara Croft l'a fait avec les 5 Tomb Raider. Mais de toute façon, Lara Croft a aussi marqué la play, on peut simplement en parler, parce que ça fait partie aussi des plateformers action-aventure. Bien sûr, bien sûr. Lara Croft, le premier et le deuxième, je pense, parce qu'après, ça a été un petit peu la foire à la saucisse. Ouais. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Là aussi, le 2, c'est le meilleur, encore une fois. Mais bon, c'est Lara Croft, donc Tomb Raider, a complètement modifié le paysage jeu vidéo ludique, un petit peu comme Mario a pu le faire pour les plateformes, les jeux plateformes 3D. Game changer. On va parler de Oddworld, peut-être. Oddworld, voilà, on parlait de thèmes adultes. Là, oui, on revient sur des thèmes plus adultes. Oddworld, excuse-moi. c'est adulte, c'est très sombre hein, comme jeu aussi. Bah, c'est-à-dire que ça part sur une industrie ultra-capitaliste qui massacre toutes les espèces en voie de disparition pour faire de délicieux gâteaux. Et il n'y a plus assez d'animaux, donc au lieu de s'arrêter, bah, ils massacrent leurs employés directement. ça part de là. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Bah, on est sur un terme plus adulte qui est désamorcé par le côté un peu bébête des créatures. Ouais, comme le menu Prout. Voilà. Le mec peut péter, quoi. C'est incroyable. Mais. Hop là. Salut. Ce qui est marrant, c'est que le jeu est intégralement en français. Notamment les voix sont, enfin la majorité des voix, notamment Abe, sont assurées par Pierre-Alain de Garrigue. Très connu. Qui a fait beaucoup de conneries pour les Guignols de l'Info. Bien entendu. Pour Groland et beaucoup de trucs sérieux pour documentaires et reportages. Mais c'est rare d'avoir autant de voix pour un jeu vidéo, surtout à l'époque. Le jeu n'est pas en 3D, il est en 2D, il est magnifique. Donc encore une belle intelligence de ça, écran par écran, comme Another World à l'époque. On parle de Heart of Darkness, c'est exactement la même chose. Et Oddworld, qui est assez compliqué quand même, c'est pour ça qu'on parlait de thème adulte et tout. Il est assez compliqué, on voyage d'univers en univers, on a un respect envers les anciens, on n'a pas de violence. Pourtant le jeu est ultra cru et violent, on a beaucoup de... On se fait défoncer, on se fait... Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de... Ouais, c'est... Mais la seule arme de Dave, du personnage principal, c'est envoûter les ennemis et péter, quoi. Et parler, aussi, ça c'est quand même, voilà. Et parler, ouais. On arrive à avancer en discutant, c'est quand même une belle notion. Et le 2, ensuite, l'Exode Dave, qui tient sur deux CD, qui est deux fois plus long, qui est deux fois plus compliqué. C'est marrant parce que celui que tu m'as offert, c'est le premier, Odyssey Dave. C'est ça, oui. Et je crois que c'est le dernier Oddworld que j'ai fini. Donc ça, c'est une belle anecdote quand même. Vaut mieux tard que jamais. Exactement. Mais voilà, il fallait peut-être aussi un peu plus de maturité pour s'attaquer à des grands jeux comme ça. En fait, c'est vraiment une console que je pense sur certains trucs, ça devient... Parce que je pense même, moi, à l'époque, donc en 1998, je pense que j'étais pas dans la logique, tu vois, de la PlayStation au niveau âge. C'est-à-dire des jeux comme Final Fantasy VII, etc. Je suis pas sûr que j'aurais pu vraiment l'apprécier comme après j'ai apprécié la GameCube. Oui, bien sûr. Mais genre, en fait, c'est plus ou moins pour les mêmes raisons, tu vois. Enfin, je veux dire, tu as eu ton cheminement avec la PlayStation, qui a fait que du coup ça a pu créer un univers et puis des souvenirs que moi j'ai pu créer par la suite avec la console. Ouais. Ce qui en fait ma console favorite, et que toi la PlayStation est ta console favorite, mm-hmm. je crois. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup il y a un peu de ça, et c'est vrai que ce que proposait la PlayStation, il y avait bon les Crash Bandicoot et tout ça, enfin ça tu peux être, mm-hmm. il y avait les Spyro aussi, on en a pas parlé, mais il y avait bien les Spyro. Sûr. Incroyable. Plus accessible que les Crash d'ailleurs, hein, pour moi. Ouais, mais c'était prévu pour les enfants. C'est-à-dire que la PlayStation avait quand même une variété de faire ça. Il y avait Clonoa, il y avait. Ah oui. Il y avait toute une série de jeux comme ça. J'ai découvert Rayman sur PlayStation. Hein. Ah oui, il y a Rayman aussi, bien entendu, le 1 et le 2. Le 2 qui est quand même un des meilleurs jeux Rayman qui existe au monde. Et puis bon, il y a des jeux qui sont bien plus axés à l'enfance, comme après avec les jeux estampillés, licence officielle, Tarzan. Oui. Beaucoup citent Toy Story 2 parce qu'il paraît que Toy Story 2 est vraiment un des meilleurs. Oui. Il y a eu plein de trucs. Et Razmoquette aussi, hein. Il y a eu beaucoup de jeux Razmoquette. Mais en fait, oui, c'est ça. Il y avait vraiment des trucs de l'univers un petit peu Nickelodeon, ouais. Cartoon Network, je pense aussi. Et puis les Looney Tunes, hein, un des meilleurs jeux Looney Tunes, c'est sur cette console, si je dis pas d'annerie. Exactement. Les premiers en 3D, que ce soit Bugs Bunny, Voyage à travers le temps, Bugs et Taz, où tu peux jouer à deux tout du long avec Bugs et Taz et Spirale du Temps. Mais bon, il est midi et on a une faim de loup. et pour les auditeurs, il est vraiment midi. Ouais, c'est ça qui est le plus drôle. Ouais, une fin de loup qui est le meilleur jeu Looney Tunes qui soit, selon moi. Qui est vraiment très drôle. C'est un jeu de réflexion et d'infiltration. Ouais, c'est ça, c'est du puzzle, infiltration, réflexion, qui est basé sur un espèce de jeu de télévisé. Oui, en plus, ouais. Qui est très très drôle à faire. Je sais aussi, je l'avais fait en émulateur parce que je le trouvais très très drôle. Qui est aussi disponible sur PC, donc on peut rehausser un petit peu les. Il est fait sur PC aussi, ouais. Les graphismes pour juste l'aliasing, parce que là, c'est aussi très intelligent au niveau de la direction artistique. Là, on se rapproche de la Nintendo 64, c'est-à-dire que c'est des gros polygones qui restent plutôt fixes, avec des textures par-ci, par-là. Il vieillit très très bien. Il est pas en cel shading, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un des meilleurs jeux infogrames, ça c'est clair. En plus, bien sûr, c'est un jeu infogrames qui a été fait à Lyon. Et la jaquette, je trouve la jaquette fabuleuse avec le... Oui, la fourchette et le couteau. Oui, j'ai oublié le nom du personnage. C'est Ralph le Loup, qui est le cousin de Will Coyote, qui est beaucoup moins connu, hein, évidemment. Voilà, je voulais pas dire de bêtises que c'était le Coyote, c'était pas le cas. Avec le chien dans le couteau et le mouton dans la fourchette, très très drôle. Quel pari d'avoir utilisé quand même un personnage qui n'est pas connu du tout. Tu peux prendre Titi, Gros Minet, machin, ça, il n'y a aucun problème. Et là, Ralph le Loup, salut, ouais, tu viens d'où toi? C'est 6 dessins animés, c'est tout quoi. Ah ouais, c'est un parti pris qui a fonctionné parce que c'est quand même un jeu qui a une réputation maintenant, qui est plus à faire. Qui a fait son succès quand même. Et on en parle encore plus de 20 ans après, donc c'est quand même. Excellent jeu. Niveau jeu, est-ce qu'on a encore. Bon, on peut parler des jeux de sport parce que c'est vrai que nous, ensemble, on en a fait quand même pas mal, hein, des jeux de sport. Ouais, on a fait plein de FIFA, on a fait plein de jeux de NBA, on a fait le FIFA, on a beaucoup rigolé là-dessus, donc c'est vrai qu'au niveau PlayStation, c'était vraiment la console du sport. On pouvait faire du FIFA, du rugby, du tennis, du basket, de la boxe, de la pêche. Il y avait des jeux olympiques, etc. Enfin bon, il y avait vraiment énormément de trucs. Du skate aussi. Ah, j'étais en train de regarder que tu n'avais pas testé un jeu type Euro 2000. Pas encore. Parce que ça va être les 20 ans de l'Euro 2000 qui s'était passé dans mon pays actuel. C'est ça. Soit dit en passant, parce que moi je travaille dans une ville qui s'appelle Charleroi, ben c'est si je dis pas d'annerie, c'est le seul endroit où il y a un endroit de Charleroi qui est modélisé. D'accord. Dans ce jeu-là. Ah ben comme quoi. Voilà, si tu veux savoir tout. C'est assez fou. C'est assez rigolo. Donc du coup, je le dis en plus. Donc oui, il y a bien un jeu Euro 2000 sur PlayStation. Donc il y avait vraiment les compétitions. C'était vraiment l'époque où tu pouvais avoir même les compétitions officielles en jeu vidéo pour pouvoir reproduire. Et donc. En sport, t'avais le skate avec Tony Hawk aussi. Oui, mais bien entendu, il y avait les Tony Hawk. On a eu le premier jeu musical et donc après plein de jeux musicaux qui sont sortis. On parlait de DDR avec les accessoires tout à l'heure, mais Parappa the Rapper, c'est le premier jeu musical au monde et c'est sorti sur PlayStation. Oui, on a failli oublier ça, mais c'est vrai que ça fait partie des jeux très très cool. En plus, on oubliera des trucs. Hein. On va pouvoir sûrement mettre peut-être un extrait de Parappa the Rapper parce que ça, c'est vrai que c'est une OST assez cool. Ouais. Mais il n'empêche que c'est vrai que Parappa the Rapper a fait aussi l'ouverture des jeux musicaux. Alors qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Il y a eu beaucoup de jeux à licence, énormément de jeux à licence. On peut parler de Star Wars, on peut parler de jeux de films. Je crois qu'il y a eu Taxi. Oui, il y a eu Taxi 2, oui. Ça va jusque-là. C'est terrifiant de dire Taxi 2, mais c'est parce qu'il est une infamie. Que j'ai fait sur PC, ce jeu-là. Oui, d'accord. Chopé dans une boîte de céréales. À l'époque, on pouvait encore avoir des jeux dans les boîtes de céréales. Il n'y a pas eu. J'ai eu Starsky et Hutch, donc. Mais oui, il n'y a pas eu que des bons jeux, bien sûr, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, donc forcément. il y a eu des dômes. Mais en plus, c'était vraiment le début de la 3D. On peut parler des visiteurs, hein, qui est une infamie sans nom. Moi, j'aime bien. voilà. Astérix et Obélix. Contre César, oui, mais j'aime bien. Ouais, vois, contre César. Peut-être parce qu'il y a le même, même acteur dedans. Peut-être c'est possible. Ou Bubsy 3D. Ça va, ça passe. Ça passe. Non, voilà, donc il y a quand même eu pas mal de jeux mauvais. Il y a bien eu sûr. Des jeux qui m'ont plutôt étonné aussi. Il y a eu beaucoup de point and click, mine de rien, sur PlayStation. Donc bon, j'ai pas arrêté de dire X-Files, mais c'est vrai que voilà, il y a Discworld qui est. Foncez découvrir Terry Pratchett. Foncez. Si vous voulez, commencez les bouquins de Terry Pratchett. C'est on mélangeait Le Seigneur des Anneaux avec les Monty Python. C'est du génie. Très très bonne définition. C'est du génie total. Donc voilà, comme ça je le dis. Et donc Discworld, c'est le jeu est aussi une pure pépite. Oui. Je pense qu'il est disponible sur PC aussi, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, il me semble aussi, ouais. Mais sur PlayStation, il existe. Je voulais les acheter pour les faire sur PlayStation, ceux-là, mais je crois que les jeux coûtent un petit peu cher. Avec une version VF, une version VO. Je crois que le 1 est en VO et le 2 est en VF. Et après, il y a la version noire. Oui, il y a Discworld noir. Ça ferait 3 Discworld. Je regarde en vitesse si le jeu coûte cher. Très bien. Ah, d'accord. On fait ses emplettes en direct. Exactement, je fais mes emplettes en direct de jeux PlayStation. Discworld, voilà, Discworld 2 est à 60€ en occasion. Eh ben. C'est le prix du neuf. Ça fait partie des jeux qui ont beaucoup de succès. Ouais. C'était pour ça que je voulais le taper, parce que j'avais un doute, mais qui font partie des jeux les plus chers qui existent. Donc Discworld, etc. On avait fait Rama. Alors moi, Rama, je l'avais découvert sur PC, mais toi, tu avais voulu faire le test sur PlayStation, parce qu'il est sorti qu'au Japon. Exactement. Et avec de la FMV, là aussi, et qui était plutôt bien fait. Hein. J'avais fait la remarque, que, parce que je connais, le jeu est très, très difficile. C'est un jeu qui a coulé Sierra. Ah ouais, à ce point. Interactive. Donc, ouais, quasiment. Hein. Discworld noir est à 76€. Ouais, donc okay. C'est pas mal. On peut trouver Discworld 2, mais avec un CD manquant, à 30 balles. Le premier est disponible à 55€ et en version UK. Hein. Mmh. Et donc c'est des jeux qui ont une cote assez violente. Et là, le premier qui manque la jaquette avant, plus 50€ avec 15€ de frais de port. Donc le jeu... Vive le rétro gaming. Ouais, là on est vraiment sur des trucs, mais le jeu, je sais qu'il est déjà très bon, et en plus il coûte très cher. Alors la PlayStation a une particularité rigolote, c'est celle d'avoir eu le plus de fois en 3D Bruce Willis, puisqu'il y a Die Hard Trilogy, donc ça fait 3 jeux, Die Hard Trilogy 2. Alors attends, stop, je t'arrête tout de suite. Tu dois me dire ta anecdote sur Bruce Willis avec la voix de Patrick Poivet, pour lui rendre hommage. Alors tiens-toi bien. Alors, Bruce Willis, sur PlayStation, c'est pas compliqué. Il apparaît 3 fois dans Die Hard Trilogy. Bon, ils voulaient faire d'autres choses, alors ils ont fait Die Hard Trilogy 2. Tu te dis, alors, ils ont fait 2 jeux de plus ? Non, ils en ont fait 3 de plus. Oh, ça fait 6 fois, en 3D. Et comme si ça servait pas, ils ont fait Apocalypse, avec la voix de Patrick Poivet, avec Bruce Willis... Et en plus, dans les bandes-annonces et en temps réel, sur la jaquette, il y a marqué quoi ? Avec Bruce Willis ! Donc ça fait 7 fois. Et ben voilà. 7 fois en 3D. Et on oublie le cinquième élément. Oui, le cinquième élément. Qui n'est pas doublé par Patrick Poivet, mais quand même. Où ça fait... Non mais, j'ai jamais vu autant de fois en 3D Bruce Willis que sur cette console. Mais en fait, c'est assez rare en plus, hein, parce que si tu comptes les autres acteurs, oui. Je vais retaper adaptation de film en jeu vidéo. Il y en a eu beaucoup, hein, de films en jeu PS1. Parce qu'il y a tellement de jeux qu'on est obligé de faire ça, je suis désolé. Il y a énormément de Pac-Man aussi, hein, sur PlayStation, que ce soit en 2D ou en 3D, puisque Namco a poussé à fond. Donc il y a eu des compiles, il y a eu des jeux en 3D comme Pac-Man World ou Miss Pac-Man. Qui ont poussé aux fesses, évidemment. Donc il y a des licences qui ont pris la poussière, qui sont ressorties. Oui, bien sûr. Sur PlayStation. Bon, Bubsy, ça a pas bien marché forcément, mais la planète des singes, t'es là, tu fais d'accord, ouais, ok, on fait ça. Et des vieux jeux, mais quand j'ai des vieux jeux, il y a Pong, hein, qui est sur Asteroids. Oui, Centipede. J'avais taquiné sur un best-of d'ailleurs. Ouais. la ressortie. Bah, il y a eu des adaptations en film aussi qui ont été très mauvaises, genre Batman. Oui, alors c'est l'un des Batman. C'est l'un des pires jeux de la PlayStation, hein, quoi. Mais Batman, c'était assez infernal. Je sais plus tout en tête. Niveau Star Wars, il y avait Star Wars épisode 1 qui était pas bon. Ouais, bon. Après, il y a eu beaucoup d'adaptations. Mais tu vois, les Spider-Man... Spider-Man, en revanche, ça, c'était différent. Là, c'était vraiment très, très bon. Et, alors que ouais. C'était risqué aussi de faire un truc... parce qu'il faut se balader en 3D avec les immeubles et tout le bazar. Quand tu sais la distance d'affichage, tu te dis où est-ce qu'on va ? Et pourtant, ça fonctionne très bien. Ah, oh, punaise ! Eh ben, tu viens de me débloquer un souvenir. Je sais le premier jeu que j'ai touché. Ah. Sur PlayStation. Du coup, voilà, c'est revenu d'un coup. Let's go ! C'était G-Police. Ah oui ! G-Police ! Incroyable ! Parce que, j'avais joué chez un collègue à ma mère à la PlayStation, okay. Et il m'avait fait jouer à G-Police, et j'ai ce souvenir d'hélicoptère. Ah oui. Enfin, dans un monde quasi ouvert avec le... Ah, c'est réaliste, hein. Oui, je me souviens, voilà. Donc, du coup, le premier jeu que j'ai touché... G-Police. Ouais, exactement, c'était G-Police, voilà. Du coup, G-Police, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce jeu-là, G-Police. Excellent. J'ai ce souvenir de... Putain, ça m'a pris d'un coup, là. Ben voilà, comme quoi il fallait faire ce podcast pour que ça revienne. Et je me souviens de rentrer dans cette ville futuriste, etc., où tu devais... T'avais des missions à faire avec l'hélicoptère. Oh, ça m'a pris d'un coup là. Ouais, l'hélicoptère est quand même très très grand. Je l'avais testé sur démo au départ, je me rappelle, et puis bon, après, il me semble acheté. Bon, je suis pas allé beaucoup plus loin que la démo au final, parce que le jeu... Oui, je pense que c'est un jeu qui est très difficile. Ouais. Assez dur. Et voilà, après, comme jeux mythiques qui sont sortis sur PlayStation, t'as Diablo. Oui, Diablo. Après, bon, c'est quand même pas un jeu que tu joues sur PlayStation, c'est ça qu'il y a Diablo. Mais en français et pouvoir jouer à deux... c'était pas la porte à côté pour trouver cette configuration-là aussi simplement. Les Dino Crisis, qui étaient un peu les Resident Evil mélangés avec Jurassic Park. Ouais, bien sûr. Comme tu disais, il y avait énormément d'adaptations Disney et Pixar, qui sont plutôt bonnes, hein, finalement. D'ailleurs, je fais une dédicace à un mec de Twitter qui s'appelle Yo. Yo. S'il écoute, il va se reconnaître parce qu'il adore la saga de Dino Crisis. Il aime, ah. Et il espère une suite sur n'importe quel support. Donc, du coup, alors là, bon courage. Oui, là, à mon avis, il y a bon courage, en effet. Ouais, le truc le plus probable, ce serait peut-être un remake, mais... Bref. Oui, c'est ça, ça va être un peu compliqué de... C'est clair. C'est un peu compliqué. Un truc. En jeu mythique, il y avait évidemment les Driver. Oh, mais oui, mes Driver. Oui. Mais en plus, Driver, j'y ai joué là aussi chez un pote. Allez. Mais je pense que j'étais sur PC. Ouais. Mais Driver, je connais bien. Driver, c'est génial. Ouais. C'est dur, hein, mais c'est bien aussi quand même. Hein. Le 2, dans mes souvenirs, le 2 était sorti sur PS1 aussi. Hein. Oui, tout à fait. Qui voulait plus une vibe... non, mais t'inquiète, c'est un open world, tu peux marcher à pied et chercher des trucs... ouais. J'avais fait quelques heures aussi, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, donc sur la chaîne YouTube, sur Soul River. Ah, Soul River, très très bon. Là, ici, on commence à faire des jeux en vrac, on va parler un petit peu parce que ouais. C'est tellement vaste qu'on est obligé à un moment donné de partir un petit peu à gauche, à droite pour pouvoir... Akuji aussi était très bien dans le même style. D'ailleurs, tu sais un peu ces forces mystiques, bah, comme dans Oddworld finalement, des vieilles forces ouais. Qui vont aider le héros. Mais Soul River, oui, c'est vrai qu'il y a toute cette ambiance. Et puis les bandes annonces, comme sur Final Fantasy VII, les bandes annonces sont... super belle. C'est des jeux, mais c'était des jeux qui étaient vraiment jolis en plus, hein, malgré la limitation de la console PlayStation. Comme par exemple un jeu qu'on a toujours pas cité et que pourtant t'as fait en live, je crois que t'as même fait une... Je vois de quoi tu parles. Speedrun, c'est Medieval. Il faut qu'on en parle celui-là. C'est quoi ce jeu ? Ah bah allez, on passe, alors Grand Turismo. Ouais, ton jeu préféré du coup. Ouais, bien sûr, ambiance Tim Burton, musique incroyable. Avec un scénario qui se tient de A à Z, de l'humour bien dosé, un truc fantastique. Beaucoup d'humour, hein, c'est vraiment du Tim Burton-like, comme tu disais. Rien que le titre du jeu, c'est un jeu de mots, donc ça c'est trop drôle. Et j'y arrive pas, ça fait partie de ce genre de jeu que tu te dis, mais putain c'est vachement bien. Tu te lances et t'y arrives pas, il faut que, enfin, je sais pas comment te dire. Alors soit faut qu'on commence ensemble, ou soit let's go. J'ai un blocage, mais je sais que le jeu, attention que oui. Je reconnais que le jeu est d'une qualité sans borne. Mais tu vois, il a été fait en remake 20 ans plus tard sur PS4. Et alors le remake est très très bien, c'est-à-dire que les graphismes ont été réactualisés, mais le jeu reste globalement le même. Et donc les défauts de l'époque sont toujours présents, et ça rebute globalement la même partie des joueurs, quoi. C'est-à-dire pourquoi la caméra déconne. Ouais, mais ça encore, je le reconnais bien, tu vois qu'il y a des jeux maintenant, l'ancienne, surtout sur PlayStation. Bah ouais. En fait, un jeu PS1, même très bon, peut avoir plus mal vieilli. Ouais. Qu'un jeu Super Nintendo très bon. Bien sûr. Tu vois. Et ça en revient au balbutiement de la 3D par rapport à un jeu en 2D qui est nickel, quoi. C'est des trucs test et on le voit, hein, par exemple ici avec Super Mario 64, c'est un des meilleurs plateformers 3D qui existe. Ouais. mais ça reste quand même une jouabilité qui est quand même très rigide. C'est clair. Et donc du coup ici, bah, la PlayStation a subi de plein fouet ce genre de truc, à part dans de rares jeux, ouais. Mais elle a subi de plein fouet cette rigidité qu'elle a. Ouais. On peut parler au niveau des jeux de course, hein, c'est très simple avec les jeux de course comme Gran Turismo. Faut en parler de Gran Turismo par exemple. Gran Turismo c'est une simulation de voiture. Tout à fait. Qui s'est un peu fait supplanter maintenant par Forza Motorsport, mais en vrai c'est une simulation de voiture qui se voulait réaliste, qui était très jolie au niveau graphisme à l'époque, c'était fabuleux. Toujours, ouais. Au niveau des jeux de course, il y a un jeu, bah, moi je suis fan de F-Zero, mais il y a eu son pendant sur PlayStation qui est Wipeout. Il y en a eu 3. Ouais. Moi je suis pas un énorme fan, pourquoi ? Parce que Wipeout par rapport à la version F-Zero, il y avait pas d'armes. Moi, j'aime pas ça, les armes dans les jeux de course futuristes. Donc, il y a pas d'armes, donc c'est déjà ça. Ouais, okay. Là, il y a des armes. Et en plus, il y a un côté un petit peu impersonnel qu'il y a dans F-Zero qui est beaucoup plus personnel. C'est-à-dire qu'on incarne un pilote et pas une écurie de course. C'est-à-dire dans Wipeout, ouais. Il y a un côté très industriel avec une Eurodance qui va comme il faut. Je sais pas si c'est réellement le thème, mais je pense que c'est Eurodance. Ouais, je pense aussi, ouais. F-Zero était plus dans une bande son métal à fond, bon, même si j'ai pas découvert F-Zero X à ce moment-là, mais ouais. Ça dénotait. Wipeout, c'était vraiment... Je suis vraiment pas très fan de Wipeout. Ouais. Même si elle a ses aficionados. Bien sûr. Et même si la saga s'est un petit peu perdue, bien entendu, aussi. Oui, je pense aussi. Ouais. Dans les méandres du temps. Après, il y a des. On a les jeux de combat, hein. Soit, voilà. Il y a Tekken. Dead or Alive qui a commencé là-dessus. On a fait Samurai Deeper Kyo. Bien sûr, oui. Ensemble, alors ça paraît bête, mais c'est des adaptations de manga. Alors, au niveau adaptation de manga, on peut en toucher deux mots parce que la PlayStation a fait très fort. Des Dragon Ball, si je dis pas de bêtises. Ghost in the Shell. Qui est très bon, pour le coup. Donc, moi, moi, je suis un grand fan de la saga Gunmu, en fonction de comment vous voulez le prononcer. Cowboy Bebop, dont on parlait tout à l'heure. Cowboy Bebop, donc véritablement une chier de jeu. Il y a Soul Blade, par exemple, aussi, un autre combat. Oui, tout à fait. Soul Blade. Il y a une chier de jeu adapté de manga, ouais. Qu'il n'y avait pas avant. Enfin, c'était assez rare de trouver des jeux adaptés de manga. Enfin, il y en avait sur Super Nintendo, mais... C'est vrai. Mais là, on a une possibilité de rentrer dans l'univers. Alors, il y a aussi sur PlayStation 1, si je dis pas de bêtises, on dirait. GTA. Oui. Il y a un jeu Hunter x Hunter, Maborochi no Grid Island. Donc, c'est un jeu sur un univers qui s'appelle Hunter x Hunter, un de mes mangas favoris. Ok. Qui existe aussi. C'est clair. Tu m'as parlé de quoi comme jeu là? J'ai non, c'était en trois lettres, GTA. Oui, c'était le début de GTA. Attention que GTA était pas très bien reçu à l'époque, c'était pas... Normal, c'est comme Carmageddon, c'était oh là là. Oui, même, et puis c'était en 2D vu de dessus, c'était pas... Bien sûr. Même si on pouvait se balader dans une ville entière, il y a aussi on peut aussi dire le début de Need for Speed. Oui, tout à fait, qui était sur PlayStation. Ouais. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Après, il y a des jeux, je voulais balancer Exhumed, Power Slave, qui était aussi sorti sur Saturn. Mais... Ah oui, bien sûr, au niveau des Fast FPS, bien sûr. Qui est pas le plus connu, mais qui est quand même très très bon et qui se passe en Égypte, ce qui est pas souvent. Bah t'avais Star Wars Force. Dark Forces, tout à fait. Dark Forces, voilà, ouais, c'est ouais. Ça, qui était dans le même un peu dans le même. Très bon. Hein. Et après il y a des jeux bizarres sur PlayStation. Ah oui, mais ça il faut en parler des jeux bizarres bien entendu, parce que ça bien entendu il y a eu une saga de jeux bizarres, je crois que c'est LSD. LSD Dreamlator qui n'est pas lié à la drogue, hein, non, non. Malgré le LSD, c'est pour. Plutôt dans les rêves et qui a pas trop de but. Mais c'est pas un but, je pense que c'est plus vu comme une... Une itération de jeu sans... Alors bien entendu j'ai tapé LSD sur Google sans marquer PS1. Ah c'était pas la meilleure des choses à faire, c'est sûr. C'est sûr, là il y avait une petite erreur. Mais oui c'était un jeu mais qui était pas réellement... C'était plus une expérience, c'était plus expérimental qu'un jeu. Tout à fait. Sorti uniquement au Japon d'ailleurs. Bon là voilà, après là on est sur des penchants de jeux qui sont faits au Japon pour un public japonais. Il y avait aussi ton WarioWare là. Bishibashi, avec... incroyable. Bishibashi, ouais. Bishibashi qui est une succession de mini-jeux, non pas de 3 secondes mais de 30 secondes, et qui se joue avec 1, 2 ou 3 boutons. Donc là c'est instinctif, ça y va. Ça, c'est des jeux qui sont un peu. What the fuck, comme on pourrait dire. Qui sont très drôles. Ah bah oui, mais complètement, parce que là c'est à jouer à plusieurs. C'est typique de l'arcade au départ. Ouais, ouais. La carte japonaise, et puis ça envoie. Il y a des simulateurs de montgolfière. Ah oui. Ok. Simulateur plus nerveux d'acrobatie aérienne en chute libre. Oui, il y a des simulateurs de train. Il y a des jeux comme Germs. On est dans une ville complètement sans texture, sans couleur, et on rencontre des gens sans visage. Ça fait bizarre. Je me rappelle aussi d'un jeu de... je sais pas si c'est mi-FPS, mi-flipper, s'appelait Paranoiascape, avec des textures, on se croirait dans des intestins, enfin des trucs un peu très très très bizarres quoi. Mais il y avait le Sentinel comme ça, qui était donc un jeu qui était basé sur Amstrad CPC, Sentinel Returns et Commodore 64, et qui a eu une espèce de upgrade dégueulasse PlayStation, qui était là véritablement infâme. Mais bon, dit, bon, après on passe aussi sur les nombreux jeux japonais de Mahjong, de jeux de hasard, de visual novel, de pachinko, tout ça qui... Un truc de base, là aussi, par exemple, je sais que la Saturn avait des jeux un peu érotiques, etc., tu vois, de strip poker. Est-ce que la PlayStation en a eu ? Il y en a quelques-uns, mais c'est gentillet. Parce que je pense qu'au niveau des classifications, ça n'a pas trop passé. C'était peut-être un peu dur, mais même au Japon, parce que je sais bien que le Japon est beaucoup plus laxiste, c'est souvent ce qui est arrivé au Japon. Ouais. Enfin, je te dis ça parce que moi, je suis tombé en regardant les jeux sortir en Corée. Oui. Et il y avait pas mal de jeux PlayStation un peu spéciaux. Ouais. Où en fait, c'était vraiment... Enfin, c'est pas... Quand je dis spéciaux, c'est du strip poker, hein, je veux dire. C'est-à-dire déshabiller la jeune femme. Mais je sais pas si c'était sorti sur PlayStation. Pas... voilà, on voit des fesses. C'est pas illogique, hein, connaissant... le Japon. Mais... Il y a eu des jeux précurseurs aussi, comme Aconcagua, qui était... un jeu qui vraiment lançait les enquêtes très très loin. Il y avait Muserna Falls qui avait posé un peu les bases d'un jeu à monde ouvert où tu pouvais prendre ta voiture, aller enquêter avec un système d'horloge en temps réel qui a apparemment aurait inspiré Shenmue plus tard. Ouais. Donc il y a vraiment des jeux comme ça qui sont sortis qu'au Japon et qui ont vraiment mis un coup de pied à la fourmilière. C'est quand même très intéressant. Et puis des jeux complètement barjots comme Oh No, Incredible Crisis, ou Pepsi Man, évidemment. Pepsi Man. Pepsi Man. Bien entendu, le Pepsi Man était obligatoire. Incroyable. Dans tout ça, oui, bien sûr. Une belle ludothèque. Je pense qu'on a ratissé énormément de trucs. Est-ce que t'aurais une musique qui t'aurait vraiment marqué pour conclure ce podcast ? Pourrait mettre Police Note. Police Note. Bah ouais, parce qu'elle a servi de jingle Konami après. Police Note me va très bien. Let's go. Hein. Parce que je l'ai déjà en tête, ça fait partie des musiques que j'ai toujours en tête dès qu'on me prononce le nom. Et c'est la première musique que beaucoup de gens ont entendue avec un jeu Konami ou tout simplement avec Metal Gear Solid. Donc, Bah écoute, très bien, on va donc se passer Police Note. Alors c'est le Konami Kukaya Club, donc ça, voilà, difficile de... compliqué, donc voilà, vous savez que c'est le Konami Kukaya Club, je vais pas commencer à faire comme Bipomantis et aller dans les tréfonds d'internet pour choper les noms. On le fera plus tard, ça. On le fera plus tard. Ouais. Mais donc du coup, donc, c'est Police Note, l'introduction du jeu sur PlayStation 1, tout de suite. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Eh bien voilà, je pense qu'on a ratissé pas mal de la PlayStation 1. GG. Donc du coup, la PlayStation 1 est quand même une console mythique, hein, on va pas se mentir. C'est une console que même moi, je commence à découvrir timidement, par-ci, par-là. Ici, par exemple, j'écoute le podcast de la case rétro sur Castlevania Symphony of the Night. Ouais. Et avec le Mont-Saint-Michel en... C'est vrai. en jaquette. Tout à fait. De Mont-Saint-Michel, bien entendu. Corse. Non, je plaisante. Pardon. Je digresse. Non, donc du coup, je découvre des jeux de plus en plus avec l'âge. J'avoue que je vais pas tout faire, mais par exemple, je redécouvre des jeux. Et donc, je reconnais que la console est une console assez mythique, bien entendu, même si je suis pas très Sony fan. Oui, bien sûr. Dans le sens où je reconnais que c'est une console qui a des capacités, une ludothèque qui fait qu'elle a marqué le jeu vidéo. Ouais, c'est pas la N-Gage, quoi. C'est pas la N-Gage, en effet, même si elle a marqué pour d'autres raisons, elle, mais voilà. Et donc, du coup, ça m'a bien plu de faire ce podcast. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as encore un dernier truc à dire sur la PlayStation? Non. Oh, quelle belle imitation de Lance Bios. Il y aurait tellement à dire et à parler encore plus. Beaucoup de choses, je pense que c'est pas pour rien que le nom PlayStation est resté... encore à l'heure actuelle pour le nom des consoles, que la manette n'est pas tant changée que ça. Même pour la PS5, hein, ouais. Elle a changé, mais c'est plus... Et qu'on ressorte 20-25 ans plus tard des remakes de jeux qui sont sortis sur PlayStation pour la première. Mon avis, c'est qu'il y a encore de l'intérêt et que, visiblement, tous les remakes des premiers Resident Evil, les Final Fantasy, etc., etc., il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on en reparle encore... tant d'années plus tard. Mais je pense que c'est vraiment une console qui est arrivée pile poil dans son temps pour accompagner les joueurs dans le cheminement de pensée des adultes. C'est-à-dire vraiment les gens qui avaient 14, 15, 16, 17 ans, bah, ils vont plus aller sur PlayStation. C'est ça. Tandis que moi, par exemple, je référais sur des jeux un peu plus mignons, un peu plus gentils, etc., que des jeux plus adultes. Ouais, bien sûr. Même si on refait un podcast sur Nintendo GameCube, on va parler sur le fait qu'il y a beaucoup de trucs adultes sur cette console, mais... Bien sûr. C'était une image donnée, mais qui n'était pas forcément la vérité après. C'est ça. Non, mais la PlayStation avait véritablement cette image adulte, alors que c'est l'inverse. Elle avait aussi des trucs assez gentils, comme les Crash Bandicoot, comme les Spyro. Kingsley Adventure, ouais, bien sûr. Pas mal de choses. Donc c'est vraiment une console qui a marqué. Complètement. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, oui, ouais. On se retrouve dans un futur podcast, bien entendu. Avec plaisir. Sur les podcasts de la chaîne Blue Nexus, donc ils seront disponibles sur YouTube, c'est toujours disponible sur YouTube, sur Spotify, yes. Sur Deezer, si je dis pas d'annerie. Ouais. Et peut-être en téléchargement un jour ou l'autre, mais ça pour l'instant c'est... Je crois que c'est déjà disponible. En téléchargement direct. Ouais. Et donc disponible aussi en téléchargement direct alors, les amis. Les liens sont juste dessous. Pour les anciens, bien entendu, parce que si vous êtes ici, c'est que... Si vous êtes des vrais, si vous avez déjà trouvé quelque chose. On vous remercie. Allez, on se dit à une prochaine. Ciao. Et à très vite sur le Nexus. Nexus. Salut à tous.